Chapitre 5. Cléopâtre ne s'endormit que le matin, à l'heure où rentrent les songes envolés par la porte d'ivoire. L'illusion du sommeil lui fit voir toutes sortes d'amants se jetant à la nage, escaladant les murs pour arriver jusqu'à elle, et souvenir de la veille, ses rêves étaient criblés de flèches chargées de déclarations amoureuses. Ses petits talons agités de tressaillements nerveux frappaient la poitrine de Charmion, couché en travers du lit pour lui servir de coussin. Lorsqu'elle s'éveilla, un guerrillon jouait dans le rideau de la fenêtre, dont il trouait la trame de 1000 points lumineux, et venait familièrement jusque sur le lit, voltiger comme un papillon d'or autour de ses belles épaules qu'il effleurait en passant d'un baiser lumineux. Heureux rayon que les dieux eussent envié. Cléopâtre demanda à se lever d'une voix mourante, comme un enfant malade. Deux de ses femmes l'enlevèrent dans leurs bras et la posèrent précieusement à terre sur une grande peau de tigre dont les ongles étaient d'or et les yeux d'escarboucle. Charmion l'enveloppa d'une calasiris de lin plus blanche que le lait, lui entoura les cheveux d'une résille de fil d'argent et lui plaça les pieds dans des tas de bêbes de liège sur la semelle desquelles, en signe de mépris, l'on avait dessiné deux figures grotesques représentant deux hommes des races Naassi et Namou, les mains et les pieds liés, en sorte que Cléopâtre méritait littéralement l'épithète de conculcatrice des peuples que lui donnent les cartouches royaux. C'était l'heure du bain. Cléopâtre s'y rendit avec ses femmes. Les bains de Cléopâtre étaient bâtis dans de vastes jardins remplis de mimosas, de caroubiers, d'aloès, de citronniers, de pommiers persiques, dont la fraîcheur luxuriante faisait un délicieux contraste avec l'aridité des environs. D'immenses terrasses soutenaient des massifs de verdure et faisaient monter les fleurs jusqu'au ciel par de gigantesques escaliers de granit rosé. Des vases de marbre pentélique s'épanouissaient comme de grands lys au bord de chaque rampe, et les plantes qu'ils contenaient ne semblaient que leurs pistils. Des chimères, caressées par le ciseau des plus habiles sculpteurs grecs, et d'une physionomie moins rébarbative que les sphinx égyptiens, avec leur mine renfrognée et leur attitude morose, étaient couchées mollement sur le gazon tout piqué de fleurs, comme de sveltes levrettes blanches sur un tapis de salon. C'étaient de charmantes figures de femmes, le nez droit, le front uni, la bouche petite, les bras délicatement potelés, la gorge ronde et pure, avec des boucles d'oreilles, des colliers et des ajustements d'un caprice adorable, se bifurquant en queue de poisson comme la femme dont parle Horace, se déployant en ailes d'oiseau, s'arrondissant en croupe de lionne, se contournant en volute de feuillage, selon la fantaisie de l'artiste ou les convenances de la position architecturale. Une double rangée de ces délicieux monstres bordait l'allée qui conduisait du palais à la salle. Au bout de cette allée, on trouvait un large bassin avec 4 escaliers de porphyre. À travers la transparence de l'eau diamantée, on voyait les marches descendre jusqu'au fond sablé de poudre d'or. Des femmes, terminées en gaines comme des cariatides, faisaient jaillir de leurs mamelles un filet d'eau parfumée qui retombait dans le bassin en rosée d'argent et en picotait le clair miroir de ses gouttelettes grésillantes. Outre cet emploi, ces cariatides avaient encore celui de porter sur leur tête un entablement orné de néréides et de tritons en bas-relief et muni d'anneaux de bronze pour attacher les cordes de soie du vélarium. Au-delà du portique, l'on apercevait des verdures humides et bleuâtres, des fraîcheurs ombreuses, un morceau de la vallée de Tempe transporté en Égypte. Les fameux jardins de Semiramis n'étaient rien auprès de cela. Nous ne parlerons pas de 7 ou 8 autres salles de différentes températures, avec leurs vapeurs chaudes ou froides, leurs boîtes de parfums, leurs cosmétiques, leurs huiles, leurs pierres ponces, leurs gantelets de crin et tous les raffinements de l'art balnéatoire antique, poussés à un si haut degré de volupté et de raffinement. Cléopâtre arriva, la main sur l'épaule de Charmion. Elle avait fait au moins 30 pas toute seule, grand effort, fatigue énorme. Un léger nuage rosé se répandant sous la peau transparente de ses joues, en rafraîchissait la pâleur passionnée. Ses tempes blondes comme l'ambre laissaient voir un réseau de veines bleues. Son front uni, peu élevé comme les fronts antiques, mais d'une rondeur et d'une forme parfaite, s'unissait par une ligne irréprochable à un nez sévère et droit, en façon de camée, coupé de narines rosées et palpitantes à la moindre émotion, comme les naseaux d'une tigresse amoureuse. La bouche petite, ronde, très rapprochée du nez, avait la lèvre dédaigneusement arquée. Mais une volupté effrénée, une ardeur de vie incroyable, rayonnait dans le rouge éclat et dans le lustre humide de la lèvre inférieure. Ses yeux avaient des paupières étroites, des sourcils minces et presque sans inflexion. Nous ne serrons pas d'en donner une idée. C'était un feu, une langueur, une limpidité étincelante à faire tourner la tête de chien d'Anubis lui-même. Chaque regard de ses yeux était un poème supérieur à ceux d'Homère ou de Mimnerne. Un menton impérial plein de force et de domination terminait dignement ce charmant profil. Elle se tenait debout sur la première marche du bassin, dans une attitude pleine de grâce et de fierté, légèrement cambrée en arrière, le pied suspendu comme une déesse qui va quitter son piédestal et dont le regard est encore au ciel. Deux plis superbes partaient des pointes de sa gorge et filaient d'un seul jet jusqu'à terre. Cléomène, s'il eût été son contemporain, et s'il eût pu la voir, aurait brisé sa Vénus de dépit. Avant d'entrer dans l'eau par un nouveau caprice, elle dit à Charmion de lui changer sa coiffure à résille d'argent. Elle aimait mieux une couronne de fleurs de lotus avec des joncs, comme une divinité marine. Charmion obéit. Ses cheveux délivrés coulèrent en cascades noires sur ses épaules et pendirent en grappes comme des raisins mûrs au long de ses belles joues. Puis la tunique de lin, retenue seulement par une agrafe d'or, se détacha, glissa au long de son corps de marbre et s'abattit en blanc nuage à ses pieds, comme le cygne au pied de l'Éda. Et Meyamoun, où était-il? Ô cruauté du sort! Tant d'objets insensibles jouissent de faveurs qui raviraient un amant de joie. Le vent qui joue avec une chevelure parfumée ou qui donne à de belles lèvres des baisers qu'il ne peut apprécier. L'eau à qui cette volupté est bien indifférente et qui enveloppe d'une seule caresse un beau corps adoré. Le miroir qui réfléchit tant d'images charmantes. Le cothurne ou le tadbeb qui enferme un divin petit pied. Oh, que de bonheur perdu! Cléopâtre trempa dans l'eau son talon vermeil et descendit quelques marches. L'onde frissonnante lui faisait une ceinture et des bracelets d'argent et roulait en perles sur sa poitrine et ses épaules comme un collier d'effet. Ses grands cheveux, soulevés par l'eau, s'étendaient derrière elle comme un manteau royal. Elle était reine même au bain. Elle allait et venait, plongeait et rapportait du fond, dans ses mains, des poignées de poudre d'or qu'elle lançait en riant à quelqu'une de ses femmes. D'autres fois, elle se suspendait à la balustrade du bassin, cachant et découvrant ses trésors, tantôt ne laissant voir que son dos poli et lustré, tantôt se montrant entière comme la Vénus anadiomène et variant sans cesse les aspects de sa beauté. Tout à coup, elle poussa un cri plus aigu que Diane surprise par Actéon. Elle avait vu à travers le feuillage luire une prunelle ardente, jaune et phosphorique, comme un œil de crocodile ou de lion. C'était Meyamoun qui, tapit contre terre, derrière une touffe de feuilles, plus palpitant qu'un faon dans les blés, s'enivrait du dangereux bonheur de regarder la reine dans son bain. Quoiqu'il fût courageux jusqu'à la témérité, le cri de Cléopâtre lui entra dans le cœur plus froid qu'une lame d'épée. Une sueur mortelle lui couvrit tout le corps. Ses artères sifflaient dans ses tempes avec un bruit strident. La main de fer de l'anxiété lui serrait la gorge et l'étouffait. Les eunuques accoururent la lance au poing. Cléopâtre leur désigna le groupe d'arbres où ils trouvèrent Meyamoun blotti et pelotonné. La défense n'était pas possible. Il ne l'essaya pas et se laissa prendre. Il s'apprêtait à le tuer avec l'impassibilité cruelle et stupide qui caractérise les eunuques. Mais Cléopâtre, qui avait eu le temps de s'envelopper de sa calasiris, leur fit signe de la main de s'arrêter et de lui amener le prisonnier. Meyamoun ne put que tomber à ses genoux, en tendant vers elle des mains suppliantes, comme vers l'autel des dieux. « Es-tu quelque assassin gagé par Rome ? Et que venais-tu faire dans ces lieux sacrés d'où les hommes sont bannis ? Dit Cléopâtre avec un geste d'interrogation impérieuse. Que mon âme soit trouvée légère dans la balance de l'Amenti, et que Tmei, fille du soleil et déesse de la vérité, me punisse si jamais j'eus contre vous, ô reine, une intention mauvaise, répondit Meyamoun toujours à genoux. La sincérité et la loyauté brillaient sur sa figure en caractère si transparent que Cléopâtre abandonna sur-le-champ cette pensée et fixa sur le jeune Égyptien des regards moins sévères et moins irrités. Elle le trouvait beau. « Alors, quelle raison te poussait dans un lieu où tu ne pouvais rencontrer que la mort ?»« Je vous aime, » dit Meyamoun d'une voix basse mais distincte, car son courage était revenu, comme dans toutes les situations extrêmes, et que rien ne peut empirer. « Ah !» fit Cléopâtre, en se penchant vers lui et en lui saisissant le bras avec un mouvement brusque et soudain. « C'est toi qui as lancé la flèche ?» avec le rouleau de papyrus ? Par Homs, chien des enfers, tu es un misérable bien hardi. Je te reconnais maintenant. Il y a longtemps que je te vois errer comme une ombre plaintive autour des lieux que j'habite. Tu étais à la procession d'Isis, à la panégyrie d'Hermontis. Tu as suivi la cange royale. Ah, il te faut une reine. Tu n'as point des ambitions médiocres. Tu t'attendais sans doute à être payé de retour. Assurément, je vais t'aimer. Pourquoi pas ? « Reine, répondit Meyamoun, avec un air de grave mélancolie, ne raillez pas. Je suis insensée, c'est vrai. J'ai mérité la mort, c'est vrai encore. Soyez humaine, faites-moi tuer. » « Non, j'ai le caprice d'être clémente aujourd'hui. Je t'accorde de la vie. » « Que voulez-vous que je fasse de la vie ? Je vous aime. » « Eh bien, tu seras satisfait. Tu mourras, répondit Cléopâtre. Tu as fait un rêve étrange. Extravagant. Tes désirs ont dépassé en imagination un seuil infranchissable. Tu pensais que tu étais César ou Marc-Antoine. Tu aimais la reine. À certaines heures de délire, tu as pu croire qu'à la suite de circonstances qui n'arrivent qu'une fois tous les 1000 ans, Cléopâtre un jour t'aimerait. Eh bien, ce que tu croyais impossible va s'accomplir. Je vais faire une réalité de ton rêve. Cela me plaît, une fois, de combler une espérance folle. Je veux t'inonder de splendeur, de rayons et d'éclairs. Je veux que ta fortune ait des éblouissements. Tu étais en bas de la roue, je vais te mettre en haut, brusquement, subitement, sans transition. Je te prends dans le néant, je fais de toi l'égal d'un dieu, et je te replonge dans le néant. C'est tout, mais ne viens pas m'appeler cruel, implorer ma pitié. Ne va pas faiblir quand l'heure arrivera. Je suis bonne, je me prête à ta folie. J'aurais le droit de te faire tuer sur le champ, mais tu me dis que tu m'aimes. Je te ferai tuer demain. Ta vie pour une nuit. Je suis généreuse. Je te l'achète. Je pourrais la prendre. Mais que fais-tu à mes pieds ? Relève-toi et donne-moi la main pour entrer au palais.